الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Nous sommes très nombreux à nous interroger sur la prière du Eid suite à la crise sanitaire aux différents événements. والحمد لله على كل حال. Nous n'allons pas pouvoir accomplir la prière du Eid à la musalla comme c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mosquées sont fermées et les regroupements religieux ne sont pas encore permis. Ainsi, nous avons été nombreux à nous interroger sur le caractère légiféré d'accomplir la prière du Eid à la maison ou non. Et le cheikh Abdullah Al-Bukhari, un savant de Médine, hafidhahullahu ta'ala, a répondu à cette question. Et je vais donc vous retranscrire sa réponse, ni la majorité de sa réponse. Donc la question est, pouvons-nous accomplir, sur le jugement de l'accomplissement de la prière du Eid à la maison? Est-ce que c'est légiféré ou non? Et est-ce qu'après, on peut faire une khutbah, un discours? Le shir, hafidhahullahu ta'ala, répond et dit, les savants ont divergé à ce sujet. Les savants ont divergé à ce sujet. Et il nous dira plus loin que Jumhur ul-ulama ala jawazi dhalik, la majorité des savants considère que c'est permis. Donc il a mentionné deux avis. Le premier, une partie des gens de science disent que celui qui ne la prie pas avec l'imam en groupe, il ne la prie pas. Il ne la rattrape pas, ni chez lui, ni dans un autre endroit. Et ceci est l'avis de Al-Hanafiyya, de Daoud al-Zahiri. C'est également l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahumullah et de l'Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ils ont utilisé pour preuve l'absence de preuves directes émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent rahmatullahi alayhim qu'il ne nous est pas parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam cet ordre-là, ni cette mention-là. Également, c'est une prière qui a été légiférée en groupe. C'est une prière qui a été légiférée et son accomplissement doit être avec le groupe. Ainsi, elle ne se rattrape pas. Tout comme la personne qui rate la prière du Jumu'ah ne peut pas rattraper la prière du Jumu'ah. Ceci est le premier avis. Le deuxième avis est de dire que celui qui ne l'a pas prié avec l'imam, celui qui l'a raté, peut la rattraper, peut la prier. Et il l'accomplira à la manière de l'imam. Il l'accomplira comme l'imam l'a prié. Comme l'imam l'a prié. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Parmi Al-Malikiyya, parmi Shafi'iyya, Al-Hanabila, c'est également l'avis prépondérant et l'avis choisi par l'imam Al-Bukhari, rahimahumullah, dans son authentique, l'avis d'Ibn al-Munzir. Et c'est également la fatwa, l'avis juridique avancé par le comité des grands savants de l'époque d'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, en sa présidence, et parmi les membres du comité, il y avait les grands savants, Al-Afifi et Al-Rudayan, rahmatullahi alayhim. Pour preuve, le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. Celui qui oublie une prière ou s'était endormi à ce moment-là, le dédommagement sera de la prier dès lors qu'il s'en souviendra. Il y a également pour preuve le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَتَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ. Lorsque il y a l'appel à la prière, lorsqu'il y a l'annonce de l'accomplissement de la prière, ne venez pas, n'y venez pas avec précipitation, avec empressement, mais venez en marchant et observez la sérénité ou la quiétude. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Ce que vous attendrez, priez-le. C'est-à-dire, si tu arrives à la deuxième raka'a avec l'imam, rentre dans la deuxième raka'a jusqu'à la fin de la salat. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Et ce que vous avez manqué, complétez-le. Donc, si tu arrives à la deuxième, si tu arrives à la troisième raka'a dans Al-Fatiha par exemple, il t'a manqué la première et la deuxième. Donc pour toi, la troisième c'est ta première, la quatrième c'est ta deuxième. Le Sallam te dit ensuite complète. C'est-à-dire tu rajoutes la troisième et la quatrième. Et en quoi ce texte est une preuve pour dire qu'on peut rattraper Salatul Eid ou prier Salatul Eid si on ne l'a pas fait avec l'imam? C'est que ici on va rattraper une prière ou on va rattraper des raka'at. On va accomplir une prière si on l'a ratée. Et Salatul Eid, c'est une prière. Donc, elle se rattrape comme les autres prières. Ici, dans ce hadith, on a une base sur le fait de rattraper ce qu'on a manqué. Et étant donné que Salatul Eid, c'est une prière parmi les prières, il y a la possibilité de la rattraper. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a cité dans son sahih, mi mu'allaqan, mais Ibn Abi Shayba l'a mentionné avec la chaîne de transmission, elle est bonne ou authentique. Un récit dans lequel Anas ibn Malik ordonnait à Ibn Abi Utba, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il ratait donc la salat du Eid, de réunir sa famille, ses enfants, donc les femmes et enfants, et de prier la prière du Eid. De prier la prière du Eid. Naam. Et on nous dit, comme le faisaient les gens de Misr, d'Égypte, avec leur takbir. Donc tu rattrapes la prière du Eid et tu l'accomplis avec les takbirat. L'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, a mentionné un chapitre dans son sahih, le chapitre de celui qui manque la prière du Eid, il accomplit deux unités de prière. إِذَا فَاتَهُ الْعِيدِ يُصَلِي رَكْعَتَيْنِ. S'il manque, s'il rate la prière du Eid, il prie deux unités de prière. Cette parole est également rapportée, donc en ces termes, de Ata, rahimahullahu ta'ala. Ikrima, pareillement, une parole qui va dans ce sens. Et l'imam Abdurrazzaq, rahimahullahu ta'ala, dans son Musannaf, avec une chaîne de transmission authentique, Qatada, rahimahullahu ta'ala, a dit: celui qui rate la prière de Eid al-Fitr priera comme a prié l'imam. Il fera la prière du Eid à la manière accomplie par l'imam. Il y a également la parole de Ma'mar ibn Rashid, donc tous ces gens sont de grands savants de l'islam anciens, qui nous dit que celui qui rate la prière du Eid prie deux unités de prière. Et Sharik, rahimahullahu ta'ala, dit qu'il a questionné Abba Ishaq al-Sabi'i, rahmatullahi alayhima. Al-Rajul yaji'u yawm al-Eid, wa qad faragha al-imamu, madha yaf'al? Si la personne arrive le jour du Eid, alors que l'imam a déjà fini, que fait-il? Abu Ishaq al-Sabi'i rahimahullah a répondu, yusalli rak'atayn, il prie deux unités de prière. Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala a dit qu'il était recommandé à la personne qui avait raté la prière du Eid de prier comme l'imam, de prier comme l'imam. Et Al-Firyabi rahimahullah ta'ala dans Ahkam al-Eidayn, les règles des deux fêtes, mentionne que Al-Walid a demandé à l'imam Malik rahimahullah ta'ala au sujet de la personne qui arrive le jour du Eid, mais l'imam a fini de faire la prière du Eid et a fini la khutbah. L'imam Malik a répondu, rahimahullah ta'ala, yusalli rak'atayn, il prie deux unités de prière, yaf'alu kafi'li l'imam, et il fait comme a fait l'imam avec les takbir, avec le takbir de la salat du Eid. Abdullah, rahimahullah, le fils de l'imam Ahmed, rahimahullah, a questionné son père à ce sujet-là, qui lui a répondu, il n'y a pas de mal à ce que la personne réunisse sa famille ou ses épouses, ses enfants, et prie, donc rattrape la prière du Eid. Pour finir, il y a la fatwa de Lajnatud Da'ima, l'assemblée des grands savants, le comité des grands savants, qui nous dit que lorsque la personne rate la prière du Eid, yustahabul qada, que de rattraper cela est recommandé. Yusalliha ala sifatiha. Comment est-ce qu'il va prier cette prière? Il va la prier à la manière accomplie par l'imam le jour du Eid. Mais il y a une remarque importante. Mindouni khutba. Après la prière du Eid, il n'y aura pas de khutba. Donc voici l'avis prépondérant choisi par la plupart des savants. C'est que on fait Salatul Eid chez nous, en famille, comme l'imam le fait le jour du Eid, en réunissant la famille dans le foyer, on accomplit cette prière, mais on ne fait pas de khutbah avec, après. On ne fait pas de khutbah après. Et Inch'Allah ta'ala, demain, on mentionnera la description de la prière du Eid, le nombre de takbir que faisait le prophète alayhi salatu wassalam dans la première raka'ah, dans la seconde. On mentionnera ce qu'il récitait et d'autres points relatifs à la prière du Eid. Barakallahu fikum. Beaucoup nous contactent pour Zakat ou Al-Fitr. Ma recommandation pour Zakat Al-Fitr, Barakallahu fikum, c'est de la distribuer soi-même, de mettre en pratique cette grande adoration. Celui qui dit je ne connais pas de pauvres, il m'envoie sa ville et me demande où, à qui il peut donner, et je lui enverrai Inch'Allah, car nous avons désormais une base de données tenue par notre frère, un de nos frères bien-aimés. Jazahullahu khairan, puisse Allah Azza wa Jal le bénir dans sa personne, dans son épouse, dans son garçon et dans son enfant à naître, Inch'Allah ta'ala, dans les meilleures conditions, pour tout le bien qu'il apporte pour tout le bien et l'entraide qu'il apporte. Jazahullahu khayra. Donc nous avons une base de données, probablement avec plus de 100 familles. Avec plus de 100 familles. Barakallahu fi. Comme on vous donnera une adresse selon le nombre que vous voulez livrer. Et ceux qui n'ont pas du tout la capacité, à cela on leur donnera une solution, inshallah ta'ala. On essaiera de voir pour se charger de cela. Il y aura également un lieu de dépôt. Il y a également un lieu de dépôt à la Courneuve qu'on gérera personnellement. Et on va voir, est-ce qu'on fera de même pour la mosquée de Pantin. J'attends une réponse au plus tard demain, inshallah ta'ala, et vous serez tenus informés. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il y a des femmes qui demandent, je suis indisposée, j'ai mes menstrues ou mes lochies, et je suis dans les 10 dernières nuits, cela m'attriste, que puis-je faire? Que puis-je faire? Le conseil qu'on adresse aux sœurs Fillah, puisse Allah Azza wa Jalla leur accorder la réussite, c'est de savoir que c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a écrit aux filles de Hawa. Et Allah est savant et sage. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah Azza wa Jal sait tout, il sait ce qui est bon pour vous. C'est lui qui vous a créé et il sait ce qui est bon pour vous. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète que la femme va avoir ses menstrues, ça n'est pas pour la punir, c'est une chose qu'il a écrit aux filles de Hawa. Na'am. Donc, la femme, elle prend son mal en patience. Elle se comporte comme lors de l'épreuve, avec endurance. Elle est satisfaite de ce qu'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal soit son Seigneur qui décide de tout. Et elle endure, ou bien agrée, ou bien remercie même Allah Azza wa Jal pour ce qu'il décrète. Et elle regarde ce qu'il est légiféré de faire pendant les nuits de Ramadan. Et elle trouvera que certes, il y a la prière, et c'est le point le plus important. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Celui qui prie laylatul qadr avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Donc c'est l'adoration principale. Na'am laylatul qadr. C'est pas le fait de sortir partout et de faire des sadaqat partout et d'aider tout le monde dehors, ainsi de suite. Ça, c'est un khair, et c'est demandé, c'est recommandé. Mais la principale adoration en recherchant Laylatul Qadr, c'est d'être en prière. C'est d'être en prière, comme a dit le Prophète sallam, man qama Laylatul Qadr, imanan wa ihtisaban. Celui qui prie la nuit de Laylatul Qadr. Donc ça, c'est l'adoration principale. Puis on ajoute les autres. Comme ad-du'a. Comme ad-du'a. Et qu'est-ce qui empêche la femme indisposée de faire ad-du'a? Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a questionné le prophète alayhi salatu wa sallam, l'a questionné sur ad-du'a. Elle l'a questionné sur ad-du'a pour Laylatul Qadr. Le prophète ne lui a pas dit, il n'y a que la prière. Ou il n'y a que... Non. Il lui a répondu. Et a été satisfait de sa demande. Et il lui a enseigné la du'a. Dit... Donc elle lui demande, si elle atteint Laylatul Qadr, qu'est-ce qu'elle devra dire? Il lui dit de dire, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ou Allah, tu es absoluteur, tu aimes l'absolution, donc des fautes, des péchés, absous, donc mes fautes. Et la femme, elle fait ad-du'a, elle fait de l'istighfar, elle se repent, elle demande pardon à Allah Azza wa Jal. Elle invoque Allah tabaraka wa ta'ala et demande tout le bien pour l'au-delà, pour ce bas monde. Elle cherche protection, refuge auprès d'Allah contre tout le mal de l'au-delà et de ce bas monde. Na'am, elle fait de dua, elle fait de l'istighfar, elle se repent. Na'am. Aussi, selon l'avis de beaucoup de savants, la femme indisposée, elle peut réciter le Coran. Elle peut réciter le Coran. Et certains disent elle ne touche pas directement le mushaf, d'autres disent elle met des gants et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, elle occupe son temps avec dhikrullah, avec ad-du'a, avec al-istighfar. Rien ne l'empêche de veiller. Il n'y a pas que la prière. Il n'y a pas que la prière. Barakallahu fikum. Ceci est un conseil. Ne vous découragez pas. Ne faiblissez pas. Il reste que quelques jours. Il reste que quelques jours et quelques nuits. Inch'Allahu ta'ala. Redoublez d'efforts. Ne faiblissez pas. Waffaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.